Yo connais m'son champion cap casse madame. Depuis bon côté m'tou balou cabine. Chaque fois le bon côté m'pas qui avant goût. Ma fel c'est énorme sous grosse machine. Yo connais m'son champion cap casse madame. Depuis le bon côté m'pas qui avant goût. Décis la vini même coup de bateau. Baltoza ou baltoza ou li pa na griyo baltaza ou di tout blode sire fam yo me baltaza ou kana chou sou maladwa ou deja blowin I am better than you it's gotta be sak pa na pou leve la le metel sou bon voye ne fan lel ton de von balpini sou metel sou do mare kristel metel sou kwa mbana jwet mbana black mbana tibato mpaste leg nan chama fok ki pa jwe titato salam alekoum mpana goum seken bel na koum mpana fe diskou mba militan kap desan belekou Yat si bebe, bam sek etoal, tak ou babako Fel de kontrole, go se zispa pou le gelem skou O bonje gadon ben, gadon peni, gadon gren O met alem konon jwen, fe komple mako ji ben Tout bas da kaze ou prena fren Depi mboko maje cheri mbaka bol ajan Le je trofi a bam, tenes la zim son champion Epi, epi, da Yo konem son champion, kap kaze madame Depi l bon kote, m tou bal dou kabine Chak fwa l bon kote, m pa ki avan gou Fèl si tè nom sou kou se machine Yo konèm son champion kap kaze madame Depi l bon kote m pap ki avan gou Besi la vini men kou d'bato Grelem si yo back of shawen Gade ex vini boi, menaj vini boi Kwash yo vini boi, let's go besi yo vini boi Yo gade alan tou, yo monte myo interesse M foti aposh avan tou, with no money yo interesse Ame si yo nege madame ou mkone sa Nom pa jem fe sezon blanj paske madame ou mkone sa Pou ki sou mwen yo vle bon pande tout baz a pase swa Jessica Antaran pou kou sou sa Non le di mpa nan chet sa Se mwen si yo bakop la Tout patnem yo vyen de mwa An fel sou kou se machin Nan mwa mfe pe wol mchaje becha jo yon wol Mwen monopol ki identik avwe di mfe becha wol Yo, mande madame ou Lab di mson champion Yo, mande madame ou Kombye fwa mbal pilon Mande mwen tou fwa mplat mkil Pade disi sou pa piti Konen sou jepe mi pa pizi Pita piti mfok li izi De to tap, no fes No fok, no cash Ba jem afiche bitch M just fok, I'm blessed No trap, new vest No trap, the best Pon mwen toujou cheke malgré mgen Ye mes Rechen kou TV Gade jem a fon bel TV Son bel TV Kafe voksal nan PV Ok m kondwi nan pakou Mantre nan lakou Note bien bro dem bouke plonge nan lakou We the best, fait nous pas comme ça, non nous pas aussi. Boy cash, et n'a fait tout son fuck you dans jacuzzi. Pas nous faire raccourci, bébé tu as raccourci. Et la même pas pour comme, voyez je n'en garde aussi. Darling call, la bina Nicole, cabine ou call. Mada Paul, contre monopole, folle pas vie pour Paul. Fuck les Paul, fait bagay qui dole, toujours fait payroll. Mon coupe même champion, que c'est moi qui ai monopole. Yo connais m'son champion, cap casse madame. Depi l bon kote m tou balou kabine Chak fwa l bon kote m pa ki avan gou Ma fel si tè nom sou kou se machine Yo konèm son champion kap kaze madame Depi l bon kote m pap ki avan gou Besi la vini men kou d'bato an Grele m si yo back of shawen an Dozi tout blode sire fam yo men baltaza ou kana chosou m Ame si yo nege madame moun kone sa De to tap GT Motion Records.